and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joie dans le monde, c'est Noël, voici Emmanuel. Par son naissance, il nous donne espérance. Venez comme des enfants, venez comme des enfants, venez, venez comme des enfants. Joie sur la terre, vive le Messie. Le monde est accompli. Qui chante, qui parle, qui fasse le mort. Rendez gloire au Seigneur, rendez gloire au Seigneur. Radio AQP con música fácil de escuchar. Pour effacer la tâche originelle et descendant arrêter les propos. Le monde entier très qui lui donne un sort. faire plaisir, je voudrais être riche pour acheter et pour offrir ce qui est sur les affiches, tout ce que d'autres ont fabriqué, mais je n'ai que 3 sous. Thank you. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh,